Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 7 décembre 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé, jeudi 8 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir, ici Martin Pelletier pour le libre journal de la liberté surveillée. Ce soir, c'est un peu particulier, c'est divisé en trois parties. La première, bah écoutez, j'avais prévu de me faire interviewer sur un petit voyage que j'ai fait au Vietnam, mais l'intervieweur n'est pas encore là, alors je vais m'interviewer moi-même. La deuxième partie, ce sera le club de la presse avec Jérôme Bourbon, on parlera de l'actualité. Et en troisième partie, je recevrai Henri de Lesquin, qui est le président de cette radio, pour parler de la chasse systématique que fait la justice française à la liberté d'expression. C'est pour moi un coup d'État permanent, un coup d'État judiciaire scandaleux qui vise à empêcher tout simplement toute pensée réelle. Alors voilà, il est donc 18h02, on va commencer la première partie, c'est-à-dire que je vais m'interviewer moi-même sur le voyage que je viens de faire au Vietnam. Alors, les auditeurs sont bienvenus s'ils veulent poser des questions, parce que leurs questions seront certainement à la fois plus pertinentes et plus curieuses que les miennes. Donc, je vais faire les deux rôles, hein, l'intervieweur et l'interviewé. Alors, Martin Pelletier, vous êtes parti un mois au Vietnam. Réponse, oui, effectivement, je suis parti un mois au Vietnam, mais j'ai fait une escale tout à fait surprenante à Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est un des Émirats arabes unis qui est situé donc sur la côte est de la péninsule arabique, dans le golfe persique ou arabique ou arabo-persique. Et à Abu Dhabi, c'était au début du siècle strictement rien. C'était peut-être quelques cabanes de pêcheurs sur une côte plate comme la main, une côte sablonneuse et plate comme la main, où il fait très chaud et très humide l'été et à peine moins l'hiver, où il n'y avait strictement rien qu'à pêcher le mérou, le crabe et pour les plus courageux, les perles. Aujourd'hui, c'est un des États les plus riches du monde, par tête d'habitants, et c'est une ville qui est sortie du désert comme une espèce de proue de navire qu'on voit dans le sable. C'est de très grands immeubles et une activité culturelle intense, puisque il y a un Louvre qui s'est construit et un musée Guggenheim. Que dire d'autre? Ce qu'il reste d'un peu, je dirais, un peu naturel, un peu authentique, c'est la mangrove. Il y a un bout de mangrove qui reste tout à fait comme elle était, sauf que on en viabilise les bords pour construire bientôt de nouvelles rangées d'immeubles. Et puis, à part la mangrove, il n'y a rien. Il y a des pêcheurs. Alors, les pêcheurs sont souvent des Pakistanais, parce que environ 10% de la population d'Abu Dhabi est faite d'Abu Dhabiens de souche, le 90% étant des étrangers qui ont un statut d'étranger, et une fonction réelle d'esclave d'ailleurs, d'esclaves pauvres, comme par exemple les Pakistanais qui, qui sont soit pêcheurs, soit balayeurs, qui font toutes les, comment dirais-je, métiers que les Aboudhabiens de souche ne voudraient pas faire. Parce que l'Aboudhabien de souche, quand il arrive à la majorité, on lui donne de quoi s'acheter une très belle maison. Les revenus du pétrole sont en baisse à cause du prix du pétrole en baisse, mais il y a encore de la marge. Le revenu moyen de l'Aboudhabien est comme très élevé. Et donc 90% de la population est étrangère et tient des rôles d'esclaves, donc pauvres comme le Pakistanais, ou riches comme par exemple l'Américain, le Français, qui travaillent dans les services, dans le luxe, parce que le luxe est très développé à Abu Dhabi. Et puis voilà. Alors à côté d'Abu Dhabi, il y a plus surprenante encore, il y a Dubaï. Alors là, c'est la ville de la démesure, c'est l'anti-Grèce. Tout y est immense, on y fait du ski naturellement, parce que le climat s'y prête, et surtout le relief. Non, je plaisante bien évidemment, c'est plat encore comme la main, mais il y a des pistes de ski, sous naturellement, pas en plein air. Il y a la plus haute tour du monde, qui fait quand même 800 mètres de haut. Tous les soirs, d'ailleurs, il y a des grandes... Au pied de cette tour, il y a des grandes eaux qui ont lieu en musique. Musique un peu pourrie, de musique soit arabe, soit occidentale. Et les grandes eaux montent beaucoup plus haut que celles de Versailles. C'est splendide, d'ailleurs, parce que cette tour, qui est totalement démesurée, n'est pas si laide que cela. Alors que le reste de Dubaï est comme très très laide. C'était un nœud d'autoroute à ciel ouvert avec des canaux qui passent, un canal par exemple qui apporte l'eau, qui passe au-dessus d'un nœud d'autoroute. C'est très kitsch. Alors vous avez ce qu'on appelle des malls, MA2L, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin ce sont d'immenses galeries marchandes qui sont grandes comme des villes. Et là évidemment, vous avez tout ce qui peut se vendre, c'est évidemment toutes les grandes marques occidentales, et puis vous avez des aquariums qui font 20 000 mètres cubes, vous pouvez passer des requins, des raies-mantas en faisant vos courses, et vous pouvez même, je vais le dire en anglais pour faire plaisir, tiens, je vois pas le cochon, pour faire plaisir à Henri de Lesquin, et vous pouvez customiser votre boîte de Kleenex. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la boîte de... Il n'y a pas plus fugace que la boîte de Kleenex, puisque c'est l'emballage d'une boîte de papier jetable. Eh bien, vous pouvez vous faire photographier avec votre bon ami et la boîte de Kleenex ou les boîtes de Kleenex que vous achèterez seront frappées à la photo que vous aurez prise. C'est tout à fait symbolique, caractéristique, symbolique d'un état d'esprit. Enfin, donc, Dubaï, à côté d'Abu Dhabi, c'est de la démesure total. On voit des choses très bien dans les vitrines. Par exemple, il y a un souk à l'or, hein, donc l'or y est beaucoup moins cher que chez nous, et vous pouvez donc acheter des parures de sequins, des pectoraux qui pèsent je ne sais pas combien de carats. Et mais alors ces pectoraux pour l'exposition sont présentés autour d'un mannequin, comme on en voit des mannequins dans toutes les vitrines du monde. Et ce mannequin, qui est un mannequin féminin, quelque chose d'extraordinaire, c'est que il a une espèce de muselière, je ne vois pas d'autre terme, une muselière que portent certaines des dames de là-bas, qui leur cachent la bouche et le nez. Et vous avez en même temps, en dessous de la muselière, des parures d'or de plusieurs centaines de grammes qui sont du meilleur effet. Ça, c'est extrêmement joli. Et voilà, vous avez fini la visite de ces Émirats. Moi, j'ai quand même eu le plaisir... j'ai eu le grand plaisir de faire un tour dans le désert pour aller voir le coucher du soleil dans le désert. Et naturellement, c'était un 4x4 qui était pourtant tout neuf. Il est tombé en panne. Il est tombé en panne au retour, c'est-à-dire au moment où le soleil était couché. Très, très, très beau d'ailleurs. Mais on fait du stop et tout de suite, un 4x4 s'est arrêté. Le bédouin reste Le bédouin reste très hospitalier. C'est-à-dire que deux bédouins, dans leur djellaba du plus beau blanc, avec leur keffier sur la tête, se sont arrêtés. Ils ont sorti leur clé de 8, clé de 12, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de la batterie. Ils ont fait la réparation et en 10 minutes, l'affaire était réglée. Mais ce qui va être particulier, c'est que c'était des chasseurs. La grande occupation du bédouin, quand il n'élève pas ses chameaux, il y a des chameaux de luxe qui sont tout à fait splendides, quand il n'élève pas ses chameaux, c'est de chasser, et il chasse comme on chassait chez nous il y a bien longtemps, il chasse aux faucons. Et les faucons de chasse sont des bêtes superbes, mais elles ont une particularité, c'est ces faucons sont nerveux. Ils ne peuvent pas rester dans un 4-4 quand le 4-4 est à l'arrêt. Alors, donc, le plus jeune des bédouins a pris ses faucons et les a déposés avec leur perchoir sur une dune en attendant que son grand frère, je crois que c'était son grand frère, ait fini de réparer notre voiture et nous sommes repartis après le coucher du soleil. Alors, des questions des auditeurs. Avez-vous été piqué par des moustiques ? Non, ni dans les Émirats où il n'y en a pas, parce que je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, ça a dû être passé au DDT, ni au Vietnam, je n'ai été piqué par des moustiques. La saison était sèche et je crois que là également, le Vietnam n'a pas commis l'erreur qui a été commise en Afrique sur les recommandations très mauvaises de l'OMS, c'est-à-dire qu'il a démoustiqué très violemment avec des moyens lourds et sans faire attention aux recommandations écologistes, ce qui a permis, je crois, j'en suis sûr, d'économiser des centaines de milliers de vies humaines. Le paludisme est pratiquement éradiqué. Voilà. Alors, aspect pratique de votre voyage, où avez-vous logé au Vietnam ? Quel hôtel ? Comment l'avez-vous trouvé ? Nourriture, restaurant, coût du voyage. Alors, le coût du voyage, à part le billet d'avion qui est incompressible, est relativement faible, pour la bonne raison qu'on peut se loger alors dans les parcs, enfin si on voulait faire un peu de trek en français, un peu de marche et un peu de visite de la forêt, les coûts des logements sont très faibles, très très faibles, et même en ville, par exemple à Hanoï, vous trouvez un hôtel tout à fait correct, chambre double, avec douche chaude et tout, pour $15 la nuit, donc et pour les logements dont je parlais, c'est la moitié. Donc, pas de problème pour se loger au Vietnam. On le trouve en cherchant, tout simplement. La nourriture, le restaurant, on mange fort bien dans la rue. On mange très bien des soupes complètes, des pho, etc. pour environ 45 000 dong. Le cours du dong, je crois, 1 euro vaut un peu moins de 24 000 dong ou un peu plus suivant le cours de l'euro. Donc, pour 2 euros, vous dînez parfaitement. Donc, ça ne pose pas de problème non plus. Remarque, votre idée de vous interviewer vous-même est originale, mais pas autant que celle de Patrick Poivre, qui avait publié un entretien télévisé avec Fidel Castro sans jamais l'avoir rencontré. Pouvez-vous rappeler cette anecdote piquante ? Oui, je le peux, parce que c'est très révélateur. Des tentations du journalisme et de la pratique de certains journalistes, c'est-à-dire que Fidel Castro avait donné une conférence de presse dans laquelle Patrick Poivre-d'Arvor et son caméraman avaient pris des images et avaient pris évidemment aussi du son, c'est-à-dire des paroles. Fidel Castro, cette fois-là, n'avait pas voulu voulu se soumettre à l'interrogation de tel ou tel journaliste, ce qui est tout à fait différent. Une interview, on l'a fait à l'initiative du journaliste qui veut poser certaines questions précises à l'interrogé. La conférence de presse, c'est une démarche inverse. C'est l'interrogé qui veut faire passer un certain nombre de messages et qu'il veut bien les, qui veut les contrôler. Et donc, qu'il convoque la presse pour faire sa propagande. Bon. Donc, Poivre d'Arvor avait mis en boîte, enregistré les réponses de Fidel Castro lors de sa conférence de presse, et ensuite, tout simplement, dans sa chambre, avec son caméraman, il avait posé des questions correspondant aux réponses enregistrées, et il avait présenté ça comme une interview. Écoutez, comment s'appelle-t-il, Patrick Poivre l'avait fait, mais je vous assure qu'il a été chopé. Il ne faut jamais se faire choper, parce que pas vu, pas pris, pris pendu, mais il n'est vraiment pas le seul à avoir fait quelque chose de ce genre. Quel est le résultat de l'audience à la 17e chambre pour M. de Lesquin ? Eh bien, si on avait un résultat, Henri serait déjà dans le studio, il n'est pas là. J'ai reçu un SMS, puisque c'est comme ça qu'on dit tout à l'heure, aujourd'hui, pardon, eh bien, il s'était encore très long, parce qu'il y a eu des questions de forme ont duré extrêmement longtemps, et il y a je ne sais plus combien de parties civiles qui toutes ont exigé de plaider. Alors, je crois que notre président n'est pas sorti encore de l'auberge, mais dès qu'il pourra se défaire de cette meute, il sera ici pour répondre à nos questions. Alors, écoutez, quel plaisir d'écouter M. Pelletier. Continuez comme cela. On va continuer, puisque je vais me poser d'autres questions et je vais tâcher d'y répondre. En attendant, je vous rappelle qu'il est 18h17, que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée, et je vais faire quelques... tout ça s'est passé. Quelques annonces. Alors, le mardi 6 décembre s'est passé. Le mardi 13 décembre 2016, les mardis de Politique Magazine, en partenariat avec le Cercle Histoire, Culture et Patrimoine, vont faire tenir une conférence à 19h30 précise, intitulée « L'avenir de la droite catholique » par Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines du Parti chrétien démocrate, PCD, de candidat malheureux à la primaire de la droite. Participation aux frais 10 euros, étudiant chômeur 5 euros. Conférence donc à 19h30 précise, salle Messian, 3 rue de la Trinité, 75 009 Paris, métro La Trinité ou Saint-Lazare. Pour tout renseignement, téléphone 01 42 57 43 22. Je répète, téléphone 01 42 57 43 22. Donc, dans le cadre des Mardis d'Histoire Magazine d'Hilaire de Crémier. Voilà, si encore ceci, Henri Desquin, président du Carrefour de l'Horloge, vous prie de lui faire l'honneur de participer à la réunion qui aura lieu à l'occasion du prix Lysenko, qui sera remis à Thomas Piketty, économiste, pour son analyse du capitalisme et des inégalités. Alors, le prix Lysenko, en référence au biologiste soviétique Lysenko, récompense tous les scientifiques ou pseudo-scientifiques qui soumettent leurs résultats dits scientifiques à leur propagande idéologique. Ce prix Lysenko sera donc remis à Thomas Piketty le mercredi 14 décembre 2016, à 19h, à la Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique, Paris 7e. La réunion est ouverte à tout le monde. Participation aux frais, 5 euros. Voilà, Je prends le temps de boire un verre d'eau à votre santé. Et je me pose ma deuxième question. Martin Pelletier, pourquoi ce voyage au Vietnam ? Alors, la réponse elle remonte à très loin, en fait. Il y avait longtemps, un peu plus de 43 ans, que je tourne parfois, de temps en temps, dans l'Asie du Sud-Est, ou sous-continent indien, pour chercher ce que je peux appeler les Indochines. C'était les points de contact entre l'Inde et la Chine, les points de métissage peut-être entre l'Inde et la Chine. Et dans ces zones, que ce soit en Inde ou en Indochine, proprement dit, Vietnam, Laos, Cambodge, soit encore en Indonésie, soit encore en Thaïlande, vous avez des ethnies qui ne sont ni indiennes ni chinoises, mais qui ont été toutes influencées par l'Inde et par la Chine, et parfois par l'Arabie d'ailleurs, et qui sont, on les appelle maintenant austronésiennes, enfin on les appelait dans le temps indo-malaises, ou enfin malaises. C'est-à-dire que, voilà, la première fois que j'ai commencé à traîner mes guêtres là-bas, c'était en 73, commencé par la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, puis un peu après le Népal. Je suis retourné bien plus tard au Népal et en Inde, mais alors en Inde à plusieurs endroits qui sont un peu particuliers, parce que précisément il y a ce côtoiement de l'Inde et de la Chine, notamment au Sikkim, qui est un petit royaume du nord de l'Inde, qui a collé à la Chine, puisque certaines de ces parties d'ailleurs sont interdites d'accès, parce que c'est la frontière entre l'Inde et la Chine, où vous vous souvenez peut-être que dans les années 60, il y a eu une guerre entre la Chine et l'Inde, et puis également toujours mais un peu plus au sud, un état de l'Inde qui est assez intéressant pour cela, qui est le Meghalaya, un des endroits les plus pluvieux du monde, mais qui est également un état qui est fortement peuplé de populations dites malaises, enfin d'origine malaise, qui sont d'ailleurs souvent chrétiens, chrétiennes, ces populations. Il est intéressant de voir, il m'intéresse de voir comment évoluent ces peuples qui sont au contact de l'Inde et de la Chine, si ce métissage ou cette cohabitation souvent difficile. Voilà pourquoi c'est une des raisons pour lesquelles je suis allé au Vietnam. L'autre raison, d'ailleurs, évidemment, pour un petit Français qui est né 3 ans avant Dien Bien Phu, c'est que on a lu l'histoire de la guerre d'Indochine, voilà maintenant, quand j'avais 10 ans, c'est-à-dire, ça fait maintenant bien longtemps, 50 et quelques années. Voilà les raisons qui attirent, qui est particulièrement vers ce coin du monde. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais je prends ces deux premières. Alors la question qui vient naturellement à l'esprit, est-ce que vous avez trouvé une Indochine au Vietnam ? Et la réponse est malheureusement non. Non, je n'ai pas trouvé d'Indochine au Vietnam, mais alors pour plusieurs raisons. La première raison, c'est-à-dire que si on a le souvenir un peu enchanteur qu'on peut trouver dans les livres, sur les photos, sur les vieux documentaires de l'Indochine, soit de l'avant-guerre, soit même de l'après-guerre et de la guerre d'Indochine, cette Indochine-là est révolue, elle est disparue, même complètement disparue, d'abord sous la pression naturelle du progrès, parce que les gens ne vivent plus de la même manière, l'habitat n'est plus le même, Il y a des ponts où il n'y en avait pas, il y a des routes où il n'y en avait pas, il y a de l'électricité où il n'y en avait pas, etc., etc., etc. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est la pression naturelle de la démographie. Le Vietnam, aujourd'hui, a 94 millions d'habitants. Alors, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons connu. C'est-à-dire, c'est une démographie aussi forte et galopante. Ça veut dire que les villes l'emportent beaucoup sur les campagnes. Et ça veut dire aussi que ces villes ne peuvent pas ressembler sérieusement à ce qu'elles étaient, ne serait-ce qu'il y a 30 ans. Ce qui est vrai, d'ailleurs, ce qui est vrai du Vietnam est vrai de toute l'Asie. Les villes d'Asie, du Sud et de l'Est, sont des chantiers permanents. Quelqu'un qui habite Bangkok me disait, si je pars toi-moi pour une mission ailleurs, je ne reconnais plus mon quartier, parce que pendant les 3 mois qui se sont écoulés, plusieurs tours immenses ont été bâtis pendant ces 3 mois. Dans l'environnement immédiat, les gens travaillent là-bas la nuit, donc ça va à toute vitesse. Ils sont extrêmement travailleurs, rapides, ils ont des moyens d'ailleurs qui sont souvent considérables, et donc la ville change non seulement beaucoup plus vite que le cœur d'un mortel, mais elle change plus vite qu'on change de vêtements pratiquement. Alors moi, je n'étais pas revenu à Bangkok quand j'y suis allé il y a 2 ans pour aller au Laos. Je n'étais pas revenu depuis 1973. Alors imaginez ce que ça donne. D'ailleurs, ça n'a plus beaucoup d'intérêt d'une certaine manière, parce que Bangkok, c'était une ville étendue, je dirais horizontale et aquatique. C'était une série de klong, c'est-à-dire de canaux, avec un habitat traditionnel de maison sur pilotis. Tout ça, évidemment, n'existe plus. Il reste 3 klong pour faire plaisir et la rivière. Mais globalement, Bangkok, c'est comme si on rasait Venise, on la bétonnait, on bétonnait tout, et on montait des tours de 60 à 80 étages dessus. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe partout en Asie du Sud-Est. Phnom Penh est touché, Vientiane, qui était une petite sous-préfecture de province jusqu'il y a 10 ans, commence à être touché. Et le Vietnam, c'est la même chose. Alors, une ville, par exemple, comme Saigon, c'est terrible. Maintenant, c'est une ville qui fait 12 millions d'habitants. Je crois la conurbation de Saigon, c'est la capitale économique du pays. Et c'est une espèce de chaodaïsme, pour pas dire un chaos, mais le chaodaïsme architectural. Vous avez de tout, un mélange adultère de tout, avec d'immenses tours qui se bâtissent à côté des plus jolies villas coloniales. Ce qui fait que il y a un quartier qui reste à peu près agréable, je dis encore à peu près, qui va du palais de la réunification au jardin botanique, qui passe évidemment par l'hôtel de ville, la poste les grands hôtels et la cathédrale. Mais encore tous, même ce quartier-là, qui a encore de très belles allées ombragées, de très belles villas coloniales, est semé de tours tout à fait d'abord très laides et puis très hautes surtout. C'est-à-dire que la respiration de la ville n'est évidemment pas la même, l'urbanisme n'est pas le même, la rue l'ancienne rue Katina, qui était la rue chic, enfin la rue animée, s'appelle maintenant Dong Khoi, et vous avez partout de très grands hôtels ou de très grands bâtiments qui ne permettent pas de vivre de la même manière, parce que une ville respire surtout par son ciel. Si vous ne voyez plus le ciel, c'est comme à New York, où vous le voyez d'ailleurs, on le voit un peu dans certains coins, mais ce n'est pas plus pour fait pour des hommes qui marchent dans une rue. C'est fait pour des gens qui regardent ça, peut-être du centième étage, mais pas autrement. Et la civilisation n'est pas la même. Et alors, il reste un endroit où ce n'est pas comme ça, où c'est Hanoï. Hanoï commence, et toute la périphérie d'Hanoï est touchée, commence à être ce chantier permanent, cette verticalisation de la ville, mais dans le centre d'Hanoï, il reste vraiment un endroit paisible sur plusieurs hectares. Je dis paisible, j'exagère, parce que vous avez les quartiers des artisans, le quartier des ferblantiers, le quartier des marchands de peau, c'est par quartier, hein, il y a toutes les activités artisanales sont représentées. Et donc ça grouille là-bas. Mais tout à côté, quand vous sortez de ce quartier-là, vous arrivez soit d'un côté au quartier des grandes avenues et des ministères, avec la citadelle, le musée Ho Chi Minh, tout ça, la grande allée de Dien Bien Phu, qui est superbe. Je ne sais pas comment ça s'appelait avant, mais c'est Dien Bien Phu, ça fait toujours bizarre. Enfin, quand vous allez à Londres, hein, vous allez bien à Trafalgar Square, ça ne vous gêne pas. Donc Ho Chi Minh, c'est pourquoi pas Ho Chi Minh. Puis on voit une des dernières statues de Lénine qui n'a pas été déboulonnée au monde, il est toujours dans son costume, là. La barbiche en avant et la main gauche qui explique je ne sais quoi d'ailleurs. Bon, donc il y a un grand charme à Hanoï, et ce charme est donné principalement par ces grandes allées d'arbres. Et puis de l'autre côté, vous avez le lac, ce qu'on appelait dans le temps le petit lac, qui reste tout à fait charmant, avec justement ces déambulations de ces trottoirs où on déambule, où les gens viennent faire leur gymnastique ou parler simplement. C'est un endroit, je dirais, calme, parce que la vie et la ville ne sont pas calmes au Vietnam en général, mais là, il y a quelque chose qui demeure, un endroit où on voit d'ailleurs que l'urbanisme français est demeuré. Et ça donne quelque chose de très agréable. Parce qu'en plus, il faut savoir que les Vietnamiens ont alors un génie vraiment pour le jardinage. Ce sont des as de la taupière, c'est-à-dire la taille des arbres et arbustes en formes diverses. Ce sont des as des parterres. Leur jardin, dans leur ville, sous leurs allées d'arbres, ce sont des véritables merveilles. C'est pas toujours du meilleur goût, parce qu'ils peuvent faire n'importe quoi comme forme, c'est toujours quelquefois idiot, mais c'est toujours, dans l'ensemble, extrêmement beau et extrêmement apaisant. C'est ce qui reste très humain au Vietnam, c'est l'arbre. Vraiment, c'est ce qu'il y a de plus agréable. Puis alors, on peut trouver aussi, parce que il faut pas rester à Hanoï, bien évidemment, et on a beaucoup bougé, notamment dans le nord Vietnam, enfin le nord du Vietnam, c'est pas, puisque depuis 1975, le Vietnam est réunifié, entre guillemets, ça, il faudra en parler d'ailleurs. Donc ce sont les paysages qui sont tout à fait splendides. Toute la frontière de Chine, la haute région, frontière avec la Chine, frontière avec le Laos, tous ces coins-là, ce sont des très hautes collines, des petites montagnes. Le Phan Xi Pan au nord-ouest culmine quand même à plus de 3000 mètres. Donc, avec quelquefois des reliefs extrêmement découpés, extrêmement encaissés, d'autres fois non, des rizières en terrasse ici, des forêts profondes là, c'est tout à fait beau. Et les gens peuvent être extrêmement agréables. Ça dépend où d'ailleurs. À Cao Bang, ils sont très gentils. Ils sont très, très, très. Alors en revanche, si moi j'ai trouvé à Saigon, ils étaient très, très désagréables. Enfin, ça dépend. Chacun a ses atomes crochus ou pas crochus. Ce qu'il y a de surprenant et d'exotique, parce que si on voyage, c'est pour voir les différences qui peuvent exister, c'est de voir les gens n'ont pas cette culture du risque zéro, cette espèce de douillettisme qui nous caractérise. Ils se foutent absolument au contraire du risque, et quelquefois c'est excessif. On voit des gens, des ouvriers, par exemple, du bâtiment, monter dans leur grand, comment dirais-je, leur grand... Ah là là, à force de parler, on cherche ces mots. Grands échafaudages de bambou qui montent comme ça à 50 mètres sans difficulté. Et tout est en bambou avec des petits nœuds, ça tient très bien. Et ils montent sans harnais, sans sécurité aucune. Bon, alors on a quelquefois peur, on se dit que tiens, il doit y avoir quelques accidents du travail. Je ne vais pas les chiffres, mais on n'en voit pas. Hein. Et ils ont l'air très contents comme ça. Mais c'est de même que sur la route, vous voyez des familles entières sur une motocyclette. Il y a le père, la mère, trois enfants, hein, ou quatre quelquefois. Alors c'est tout à fait surprenant, mais ça marche. Et une autre chose qu'on trouve et qui est intéressant à regarder, c'est les écoles et les écoliers. Les écoliers, il y en a énormément. En ville, à la campagne, alors à la campagne, à la montagne, ils sont là, à la sortie de l'école, ils sont toujours avec leur blouse blanche, hein, et ils sont impeccables, et ils ont entre 6 et 15 ans, ou 16 ans peut-être, mais s'il y a plusieurs kilomètres à faire, ça les ferait absolument pas. J'ai, dans la vallée, là, près de Sapa, c'est-à-dire tout à fait au nord, il se trouve qu'une école allait s'agrandir, était en train de s'agrandir. Donc, il y a une petite route, mais qui ne va pas jusqu'à l'école, parce qu'il n'y a pas les moyens la route, le pont ne supporte pas les camions. Donc, les camions ont déposé un tas de gravats, un tas de gravier, pardon, un tas de sacs de ciment et un énorme tas de briques. Et les écoliers passent devant le tas de briques pour aller au ciment, à l'école, et chacun, à raison de sa taille et de sa force, prend entre 3 et une douzaine de briques, et ça pèse quand même assez lourd, et les rapportent à bras jusqu'en haut de la colline où se situe l'école pour monter les matériaux nécessaires à l'extension aux travaux d'extension de cette école. Ce qui est tout de même assez intéressant. À Kaobang, notre hôtel était juste en face d'une école. Alors, à 7 heures du matin, il y a un battement de tambour assez long pour battre le rappel, qui sert un peu comme une sonnerie, si vous voulez. Alors, les écoliers du D2 sexe arrivent. Ils commencent par balayer la cour. Et ensuite, ils font des jeux. Ils font des jeux d'adresse qui sont souvent, par exemple, je jouais au football avec des volants de badminton. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais ça demande une certaine adresse et ils le font très bien. Et ensuite, une fois que c'est terminé, ils font leur gymnastique ensemble et les cours commencent à 8 heures. Voilà. Et messages et questions d'auditeurs. Je vais les lire après avoir bu un peu d'eau. Je vous rappelle qu'il est 18h38. Vous écoutez Martin Pelletier, le journal de la liberté surveillé. Et en première partie, je m'interviewe moi-même au sujet d'un petit voyage au Vietnam. Pourquoi ? Alors, une question à propos de l'escale à Abu Dhabi. Pourquoi beaucoup d'entreprises s'installent-elles à Dubaï alors qu'il n'y a pas de main-d'œuvre ? Écoutez, alors là, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises de main-d'œuvre, des entreprises qui ne sont pas de main-d'œuvre. Mais justement, à Dubaï et en général dans les Émirats, comme je le rappelais tout à l'heure, vous avez beaucoup de main-d'œuvre pas chère et qui ne pose pas de problème, comment dirais-je, ne pose pas de problèmes sociaux, puisque généralement leurs passeports sont retenus par la police et si quelque chose ne se passe pas bien, ils sont tout simplement expulsés. Cette main-d'œuvre vient du Pakistan, mais aussi des Philippines et d'autres pays. Elle est donc très peu chère. Elle est très avide de travail. Parce que, par exemple, si vous avez une gouvernante, une nanny qui s'occupe des petits, elle va gagner en venant à Dubaï ou à Abu Dhabi. En 7 ans de travail, elle gagne évidemment X fois plus que soit aux Philippines, soit au Pakistan. Et avec ça, elle gagnera, en économisant raisonnablement, de quoi s'acheter une maison quand elle reviendra au pays. C'est une immigration qui a vocation à revenir, qui est extrêmement tenue en main et très mal considéré d'ailleurs, qui travaille énormément pour pas cher. Voilà pourquoi on trouve au contraire de la main-d'œuvre à Dubaï. Pourquoi les intervenants nous conseillent-ils d'aller en vacances dans les pays marxistes, Vietnam, Cuba ? Les intervenants que je suis ne conseillent pas d'aller en vacances dans les pays marxistes, à Vietnam ou Cuba. Si je suis allé au Vietnam, je l'expliquais tout à l'heure, c'est justement pour voir la trace ou pas de l'Indochine dans le cadre que j'ai défini, je crois, avec assez de précision. Donc la question ne se pose pas. Ces pays sont sûrs pour les Occidentaux. Ne risque-t-on pas de s'y faire détrousser ? Alors, je crois que dans les grandes villes, je pense à Saigon et à Hanoï, on peut toujours se faire détrousser, je veux dire qu'on peut se faire voler comme partout, mais moins qu'à Paris. Un sac à la volée ou un pickpocket aussi peut vous voler votre portefeuille si vous ne le mettez pas sagement dans une poche fermée. Mais sinon, le risque est quand même très faible. Et notamment, il n'y a pas d'attaque corporel, on peut se faire voler quelque chose, de l'argent qui dépasse, c'est tout. Donc c'est un pays sûr, il faut mettre ça à son crédit. Alors c'est un auditeur. Bonsoir, j'ai trouvé un peu d'Indochine au Laos, même s'il faut admettre que c'est faible. Toutefois, certains touristes canadiens et nord-américains visitent Vientiane juste pour sentir un peu de ce charme français, signé Jérôme Saint-Simon. Au Laos, effectivement, mais cette fois-ci on parle du Vietnam, il y a 2 ans, moi aussi j'ai trouvé un peu d'Indochine, en dehors d'ailleurs de pas seulement de Vientiane, hein, et un peu d'Indochine, et beaucoup de douceur. Le Laos est un pays qui m'a fait la meilleure impression, pour tout dire. En vous entendant parler de votre voyage au Vietnam, on comprend que les Américains, ou le diable, c'est pareil, ont gagné la guerre du Vietnam. Vous auriez dû aller dans le 13e, c'est moins loin et moins cher. C'est moins loin, mais c'est pas sûrement moins cher. Je n'ai jamais passé 3 semaines dans le 13e. Je crois que, à part le voyage, bien évidemment, le ticket de métro n'est jamais très cher. La vie est beaucoup plus chère dans le 13e qu'au Vietnam. Et on voit quand même moins de choses intéressantes, à mon avis. Et puis surtout, si je suis allé au Vietnam, c'est pour chercher quelque chose. Le fait de ne pas trouver cette chose ou trouver autre chose est intéressant en soi. Mon papa disait toujours que le plus intéressant dans une expérience de chimie ou de physique, c'est quand elle rate et de se demander pourquoi elle rate. Alors, bravo pour l'émission, très intéressante, merci. Le prix des 5 cours, j'en ai entendu parler, est lu sur le dictionnaire de ce que ce professeur. Quel Comment dirais-je, quelle différence entre ces deux généticiens. Bonsoir Jérôme Bourbon. Jérôme Bourbon vient d'arriver et il sera bientôt... Bonsoir madame, messieurs, je suis un peu en retard, excusez-moi, parce que j'étais au procès d'Henri de Lesquin. Ah, vous y étiez? Je suis parti avant la fin, mais je voulais quand même... Parce que je suis pas sûr qu'il aura le temps d'arriver Attends. À la longueur des débats avant la fin de l'émission. Ah bon, d'accord. Écoutez, ça me fait plaisir que vous soyez là. Ça me fait moins plaisir qu'Henri soit encore retenu, mais on s'y attendait un peu à voir le nombre des parties civiles et tout cela. Et d'ailleurs, moi, je n'ai pas pu rentrer tout de suite, parce qu'étant arrivé un petit peu en retard, parce qu'il y a un monde considérable, tant de la gente journalistique que du public. Par conséquent, il est très difficile de se faufiler dans... d'une salle, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, qui n'est pas quand même immense. Il doit y avoir une bonne centaine de places. Alors, plus. Ça fera l'objet tout à l'heure de notre troisième partie. Alors, avec vous, si vous voulez, on va finir cette première partie et faire notre deuxième partie, c'est-à-dire, je vous le rappelle, le club de la presse avec les questions d'actualité. Je dois dire qu'en tant qu'interviewé, j'étais extrêmement bavard, parce qu'il est déjà 18h46, Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée, avec Martin Pelletier et Jérôme Bourbon qui vient d'arriver, alors qu'il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions à me poser moi-même, à moins que vous ne vouliez m'aider à me poser des questions, parce que j'en ai fait... Il faut que j'arrive à déchiffrer votre écriture. Mais si j'y arrive, pourquoi pas Alors, j'étais en train de conclure sur le fait que je n'avais pas retrouvé l'Indochine au Vietnam, mais que j'avais retrouvé, cependant, beaucoup de choses extrêmement charmantes ou exotiques et utiles à regarder. Alors, on était donc à cette question 5. Est-ce que vous pouvez la lire et ou pas? Oui, la question était donc, est-ce le paradis, paradis terrestre? Et la réponse est non. Non. Il reste, ce n'est pas un paradis. Ce n'est pas un paradis, malgré tous les charmes du Vietnam, dont je viens de passer certains en revue, et d'autres, on peut les imaginer, et on ne va pas passer la nuit là-dessus. Mais je dirais simplement que c'est un enfer un peu différent d'une autre. C'est une autre voie vers le totalitarisme, un autre laboratoire du totalitarisme. Il ne faut pas s'oublier quand même que le Vietnam d'aujourd'hui est le... Bien qu'il se soit ouvert au tourisme et une certaine activité économique hyper-capitaliste, si on veut, eh bien, le Vietnam d'aujourd'hui est l'héritier du Vietnam d'Ho Chi Minh, c'est-à-dire un Vietnam, comme le disait un de nos auditeurs, marxiste, totalitaire. C'est aussi l'héritier d'Ho Chi Minh qui a battu les Français et qui les a expulsés. Et voilà, c'est pour ça que d'ailleurs on ne trouve pas grand-chose, c'est qu'on a été viré par Ho Chi Minh en 1954 et par ses épigones du Sud-Vietnam en 1975. Voilà la réalité de la chose. Si. Mais précisément, reste-t-il encore des traces de la France? Est-ce que vous avez été frappé par ça dans votre voyage? Il reste, j'en ai un peu parlé quand j'ai parlé, évidemment, du charme d'Hanoï. Mais en dehors de ça, il faut dire qu'il ne reste plus énormément de traces de la France. Par exemple, mettre, comme on le fait au Quai d'Orsay, le Vietnam dans la liste de la francophonie, c'est une véritable plaisanterie, parce qu'il suffit d'aller se balader pour voir que, à part le consulat de France, l'Alliance française et deux, trois endroits, peut-être la cathédrale de Saïgon aussi, il y a comme trois, quatre types qui parlent encore français, mais c'est extrêmement rare. La France a été expulsée deux fois, donc, et pas seulement la France, mais tous les Vietnamiens francophiles, francophones, toute l'élite, elle a été d'abord en 1954, donc 2 du Vietnam du Nord. Et ensuite, en 75, les Boat People, les gens, ils ont été virés. Enfin, ils se sont virés tout seuls, vous me direz, mais ils ont été quand même poussés par la menace. Donc, la France n'existe plus là-bas, il faut bien le dire. Le Vietnam a rejeté la France et les Français. Mais reste-t-il, en revanche, des traces de la guerre ? Alors là, oui. Il en reste beaucoup. Alors, j'ai fait la route des désastres. Hein. Ça a été mon principal souci. J'ai fait pendant 12 jours la route des désastres. J'étais à Cao Bang, à Lang Son, à Don Khe, à Tat Khe. Et puis, évidemment, Dien Bien Phu. J'ai essayé de m'arrêter à Nassan, mais parce que c'est dans les désastres, c'était comme une victoire à Nassan. En 1953, le général Salan avait monté un hérisson aéroporté comme on allait le faire à Dien Bien Phu, mais un peu moins loin sur entre près de Son La vers le nord-ouest du Vietnam quand même. Et là, Giap avait attaqué très très goulûment et s'était cassé les dents. Mais alors on a été ensuite à se mettre à Dien Bien Phu, et là il reste vraiment des traces. Il reste pas sur le paysage. Le paysage, je ne sais pas si vous y aviez été, ou si, enfin, les auditeurs qui y ont été peuvent savoir que maintenant, la nouveauté à Dien Bien Phu, c'est le bétong. Bétong, ils disent en vietnamien, béton se dit bétong. Et c'est une grande ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants, toute nouvelle, tout en béton, très laide d'ailleurs. Alors que ce qui a manqué beaucoup à l'époque, en 1953-1954, c'est le béton. Parce que si on avait eu du béton armé, les obus de 105 n'auraient pas fait le mal qu'ils ont fait et nous n'aurions pas été battus à Dien Bien Phu. Donc voilà ce qui... Alors, dans le béton, il y a deux choses qui sortent de l'ordinaire. C'est le monument à la victoire, là, qui fait 360 de marche, il faut se les peler. À mon âge, c'est très fatigant. Et puis, vous avez le musée de Dien Bien Phu. Alors, le musée de Dien Bien Phu, c'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier. On ne se demande pas à quoi sert l'histoire quand on a vu le musée de Dien Bien Phu. L'histoire est une légende et une propagande. C'est-à-dire, ce qu'il faut lire et ce qu'il faut propager. Tout est... faux et haineux dans ce musée. C'est un sans faute de la haine et de la propagande. Alors, il y a des erreurs très simples. Sur des photos, on peut confondre Navarre, qui est le général en chef à Dien Bien Phu, et Salan, qui était le général en chef un an avant. Vous avez le ton qui est très particulier. Par exemple, les soldats français ne sont pas appelés soldats français. Ils sont appelés les malfaiteurs. C'est-à-dire qu'en 2016, c'est un peu, je sais pas, c'est comme si à Verdun, on disait le 1 et le Bosch pour parler des soldats allemands, à peu près. Hein, c'est un peu plus violent que ça. Alors, ce qu'il y a de très amusant, on voit par exemple des bouteilles en verre. Et là, on voit la légende, c'est les soldats français, démoralisés, buvaient du vin et de l'alcool pour se remonter le moral. Alors que vous savez qu'à Dien Bien Phu, il n'y avait pas de vin, il y avait du vinogel. C'était un peu différent. Alors il y a aussi des moyens de mentir. Vous avez par exemple des inversions de légendes. J'ai une photo très connue, qui est connue depuis 1954, où on voit des infirmiers français qui portent secours, c'est normal, à un blessé Viet. Et la légende est inversée. Vous avez des infirmiers de l'armée populaire portent secours à un malfaiteur, pour montrer l'indulgence du président Mao, du président Ho Chi Minh. Mais c'est assez bête, parce qu'on voit bien le type physique quand même des infirmiers, à moins qu'ils aient trouvé des grands Viet blonds avec des casques. En plus, le casque lourd dit tout, parce que vous connaissez bien la forme du casque en latanier des soldats Viet Minh, n'a rien à voir avec le casque lourd de l'armée américaine que nous avions. Enfin, tout est tout est à l'avenant. Alors, voilà. Et il est 8h54. Pourtant, j'aurais voulu parler de Dien Bien Phu un peu, parce que c'était une des raisons de ce voyage au Vietnam. Et dans ce monument de mensonges et de haine qui est ce musée, il y a des absents. Des absents, par exemple, on ne voit aucun des camions Molotova qui sont arrivés par dizaines, centaines d'aides de l'Union soviétique, alors qu'on voit les deux ou trois malheureux Sherman du capitaine Hervouette qui sont marqués aide de l'armée américaine, hein, tout ça. On ne voit pas non plus ce qui est arrivé aux femmes, parce qu'il y avait des femmes, des fous. Il y avait trois sortes de femmes. Il y avait les thaïs, qui étaient les jeunes thaïs, qui étaient les épouses. Les épouses ou les concubines, hein, des partisans et de certains soldats français d'ailleurs. Vous aviez également, parce que c'est comme ça, la nature est comme ça, vous aviez les partenaires des maisons closes militaires, qui étaient soit tonkinoises, soit nord-africaines. Et évidemment, quand le Viet Minh est arrivé, les malheureuses, d'ailleurs elles sont mortes, hein, ils ont éliminé, c'est tout. Mais ça n'est évidemment pas raconté dans ce musée, que je conseille à tout le monde qui passe au Vietnam d'aller voir pour comprendre la nature de ce régime, la nature de ce mensonge. Et j'irai plus loin, j'ai acheté pour aller là-bas un guide vert, guide Michelin. Tout le monde sait ce que c'est que le guide du routard, c'est le guide du bobo gauchisant. Mais le guide Michelin, sachant qui est la famille Michelin, qui était François Michelin, quand même des gens pas mal. On attendrait du guide Michelin, qui est un relecteur, une relectrice qui élimine le plus gros du mensonge, de la propagande, de la bêtise. Eh bien, ce guide Michelin est un monument de complaisance, justement, pour le mensonge totalitaire Viet. Et c'est assez grave, parce qu'on voit que ce qui est intéressant, c'est de voir que le régime dans lequel nous vivons est le petit frère ou le petit cousin du régime totalitaire, vietnamien. D'ailleurs, j'ai été visité, je m'arrêterai peut-être là-dessus parce que j'ai fait mon heure avec tout ça. Hein. Et, mais si vous me laissez encore 3 minutes, je m'arrêterai là-dessus. Nous sommes allés à Saigon cette fois, visiter le musée, maintenant ça s'appelle le palais de la réunification. Alors le palais de la réunification, c'est le nouveau nom du palais de l'indépendance, dont la construction a été lancée par Ngo Dinh Diem en 62. Ngo Dinh Diem était alors le président sud-vietnamien, qui a voulu remplacer l'ancien palais du gouverneur parce que c'était français, donc il était nationaliste, hein, donc il a fait ce truc dans le pur style modeste et pompon des années 60. D'ailleurs, l'ameublement est à l'avenant, c'est d'assez mauvais goût, mais bon, enfin, quoi qu'il en soit. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les légendes d'aujourd'hui. Alors, évidemment, tout est fait pour montrer que le régime sud-vietnamien était aux abois et qu'il était corrompu, qu'il était d'ailleurs pas très net, puisqu'il y avait la piste d'hélicoptère sur le toit pour s'en aller et abandonner les malheureux soldats. Bon, tout ça, c'est clair. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la phraséologie et la rhétorique de ces gens-là. Ils parlent du régime. Du régime, tout le temps du régime sud-vietnamien. Pourquoi ? Pour le discréditer et pour le séparer du peuple. Et ce régime sud-vietnamien, qui naturellement était coupable de s'en prendre à son propre peuple, c'est-à-dire aux valeureux Viet Cong. C'est-à-dire que vous avez le même mensonge qui se reproduit aujourd'hui à Damas, en Syrie, le régime de Bachar el-Assad, qui s'en prend à l'opposition modérée, alors qu'on sait que c'est totalement faux. Les gens qui... J'ai relu d'ailleurs l'Artegui à ce sujet-là, mais tous les reporters qui ont suivi la chute de Saïgon témoignent que cette phraseologie était fausse, que les gens qui ont pris Saïgon, ce n'est pas une libération, mais une conquête par l'armée nord-vietnamienne. De la même façon, aujourd'hui, ceux qui sont à Alep, nous avons du monde sur place. Charlotte Dornelas, qui n'est pas là ce soir, mais qui a souvent été là, tu dis toujours qu'au contraire, le président Bachar el-Assad, qui a ses défauts, a aussi un soutien populaire. Ce n'est pas le régime contre une fantasmatique opposition, mais simplement des attaques de groupes contre, au contraire, un gouvernement légitime. Mais c'est intéressant de voir que la même phraséologie est utilisée aujourd'hui, 40 ans après, que la phraséologie et la rhétorique communiste sont aujourd'hui utilisées par les médias américains et occidentaux. Ça prouve la façon dont nous avons été complètement pervertis par le mensonge. Et moi, c'est là-dessus que je voudrais terminer. C'est que l'examen, l'observation du Vietnam lointain et dans le temps et dans l'espace, parce que c'est quand même des choses qui sont révolues, hein, eh bien nous permet de nous voir nous-mêmes et de voir le mensonge qui nous pervertit et qui nous paralyse aujourd'hui chez nous. Voilà, j'avais beaucoup prévu de dire beaucoup d'autres choses sur cette question, mais je suis trop... vous êtes un intervieweur impitoyable, je suis trop long. Je vais donc m'arrêter. Je rappelle qu'en faisant quelques petites annonces, parce que j'y suis tenu, il est 19h01. Vous écoutez le Libre Journal de la Liberté Surveillée avec donc moi-même, Martin Pelletier, Jérôme Bourbon. Une annonce qu'on me prie de faire pour Xavier Dor. Samedi 10 décembre, SOS tout petit, 14h30, de 14h30 à 16h30, à Port-Royal, à Paris, une manifestation contre l'avortement. Samedi 10 décembre, SOS tout petit. Alors... est-ce que Martin Pelletier a visité le musée d'Hanoï où l'on retrace les victoires de façon à humilier les Français ? Non, je suis quand même pas masochiste à ce point. J'avais déjà dans les oreilles celui de Dien Bien Phu. Je pensais encore à Saïgon. Donc voilà, c'est toujours le même procédé. Je crois qu'on en a donné, je crois en avoir donné quelques exemples. Je vous fais confiance, cher auditeur, sur cette question. Je pense que ça doit être la même chose au musée d'Hanoï, effectivement. Monsieur Pelletier, vous avez raison de vous faire aider par Monsieur Bourbon. On n'est jamais trop aidé. Absolument, vous avez raison. Pouvez-vous évoquer les persécutions subies par les chrétiens au Vietnam ? Alors, mais bien sûr, je peux. Là, il faut savoir que... Historiquement, si la France, dans le courant du 19e siècle, en particulier à partir de 1858, mais avant même déjà, est intervenue en Cochinchine puis en Annam, c'est parce que pour défendre les chrétiens persécutés. Alors, évidemment, comme une bonne partie des chrétiens avaient pris parti pour la France, au moment de la guerre d'Indochine, eh ben, il n'a pas fait très beau temps pour eux à la fin, en 1954-55. Mais il faut savoir aussi que la marine française, on n'est pas parti du Vietnam Nord, comme l'ont fait les Américains en 1975 du Vietnam, dans un désastre total et surtout à la sauvette. C'est-à-dire que nous sommes partis à la suite des accords de Genève et dans l'ordre. Et la marine française a pu sauvé et transplanté plus de 800 000 Vietnamiens du Nord, Tokinois, au Sud. Donc, ils étaient principalement chrétiens. Je ne veux pas dire que tout était parfait. Nous en avons malheureusement abandonné. Hein. C'était un des grands remords de Saint-Marc. Mais enfin, quand même, nous avons abandonné, mais nous avons aussi gardé pas mal. Alors, ceux qui sont restés ont subi des persécutions, et ceux qui sont allés au Sud en ont subi d'autres après 75. Beaucoup ont fui, vous savez bien, c'est les boat people, d'autres sont restés. Alors aujourd'hui, de toute façon, les Nord-Vietnamiens, le communisme vietnamien a persécuté tout le monde. Hein. Les caoudaïstes ont été persécutés, tout ce qui n'était pas le parti communiste a été persécutés, les ethnies minoritaires ont été persécutées, Aujourd'hui, ça s'est, normalisé, c'est-à-dire que le parti tient tout le monde dans sa main, un peu comme ce qui se passe en Chine, hein, et donc, dans la mesure où les chrétiens ne bougent pas, comme les autres d'ailleurs, eh bien, ils sont tolérés, dans le cadre de la nouvelle laïcité, de la nouvelle spiritualité. Je ne sais pas si vous avez lu un livre qui était très bien, de 2005, de Nicolas Sarkozy, sur la République, les religions. Et la République et les religions. Eh bien, le nouvel ordre mondial, dont Sarkozy est un des vecteur, considère simplement que les religions peuvent être, des façons de tenir les hommes, en quelque sorte. Alors, chacun, et à condition qu'elles soient toutes tenues par la République et qu'elles se fassent compatibles avec le dogme maçon, c'est tout. Si les chrétiens se rentrent dans ce moule, ça va. Si les hindous rentrent dans ce moule, ça va. Si les musulmans trouvent le moyen de rentrer dans ce moule, ça ira aussi. Ce qui n'est pas supportable, ce sont des religions, enfin des religions convaincues. Un vrai chrétien, évidemment, n'est pas, ne pourra pas rentrer dans ce moule. Un vrai musulman, pas plus d'ailleurs. Mais c'est une conception d'ailleurs voltairienne. Hein. On garde comme ça des officiers traitants, des officiers d'indigènes pour différentes communautés, nominalement chrétiennes, nominalement hindous, nominalement islamiques. D'ailleurs, il faut aller se balader à Saïgon aujourd'hui. C'est comme ça qu'on vit. Vous avez à Saïgon des chrétiens, des zones musulmanes avec des mosquées, des restaurants halal, à côté vous avez les quartiers hindous, ça marche très bien. C'est pourvu que tout soit soumis au totalitarisme républicain. Avez-vous vu la ville de Hue? Oui, elle est très intéressante, mais on n'est pas là pour faire un reportage touristique. Oui, il faut aller à Hue quand on va au Vietnam, vraiment, vous avez raison de souligner. Maintenant, je voudrais qu'on passe à la deuxième partie de l'émission, parce que je vois, Jérôme Bourbon qui a hâte d'intervenir, et surtout j'ai hâte de me reposer un tout petit peu la voix. Alors, par quoi peut-on commencer l'actualité? Oh, l'actualité, il y en a plein. L'actualité. On va peut-être un peu partir pour l'étranger, parce que c'est pas mal de parler de l'étranger. Et notamment, on va parler de Donald Trump. Vous allez me parler de Donald Trump. J'ai noté, parce que je reviens de... j'arrive en France, mais j'ai quand même noté que Time, le magazine Time, a élu Donald Trump comme personnalité politique de l'année. Mais bon, alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce qu'il a déjà commencé à ses consultations? Où en est-il de son futur gouvernement? A-t-il encore dérapé? Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme? Bien, comme nous avions déjà eu l'occasion de le dire ici même, avant même que Donald Trump gagne l'élection présidentielle américaine, ce n'est pas fondamentalement un homme du sérail, c'est-à-dire qu'il n'a pas vécu de la politique politicienne toute sa vie. D'autre part, il bénéficie d'une grande indépendance financière. Par ailleurs, il est septuagénaire, il n'a plus grand-chose à prouver. Et à bien des égards, c'est un homme libre, jusqu'à un certain point, parce qu'il est évident que lorsque l'on est président des États-Unis d'Amérique, il ne l'est pas encore, il est simplement élu. Il rentrera en fonction, si tout va bien, le 20 janvier 2017. Eh bien, il est évident qu'il doit faire face au Congrès, où il n'a pas que des amis, il y a l'arbitrage de la Cour suprême, il y a évidemment toute une série de groupes de pression divers et variés qui s'exerceront immanquablement sur lui. Par conséquent, je ne sais pas ce que donnera son mandat ou ses mandats présidentiels, mais il me paraît que, bien qu'il soit élu, à travers notamment ce qu'il peut dire sur les réseaux sociaux, à travers son compte Twitter, que ce soit les premières nominations qu'il a faite, il semble quand même, même si c'est à confirmer, qu'on s'oriente quand même vers un changement assez important de la ligne des États-Unis, tant sur le plan international. Hein, on a beaucoup discuté du fait qu'il avait une conversation téléphonique assez longue avec le Taïwanais, ce qui a beaucoup contrarié non seulement la Maison Blanche, mais évidemment la Chine. Et au moment notamment du décès de Fidel Castro, qui a occasionné dans toutes les chancelleries occidentales et au-delà une grande complaisance à l'égard quand même de ce tyran communiste, eh bien, il a eu quand même des propos très vrais, quoi, en disant qu'il s'agissait d'un dictateur communiste et qu'il n'a pas communié à cette sorte d'unanimisme soviétoïde qui a suivi... Il n'est pas d'accord avec Ségolène Royal, qui disait presque santo subito. Voilà, exactement. Quand on voit la façon dont avait été traiter le pauvre Pinochet à son décès il y a une dizaine d'années, c'est quand même très différent, ce qui prouve que dans les médias, lorsque l'on est un dictateur de gauche ou d'extrême gauche, on a toujours droit à une certaine sympathie, mais en revanche, lorsque l'on est un homme classé à droite ou a fortiori à l'extrême droite, là en revanche, on est un monstre qui n'a droit à aucune compassion, c'est pas même lorsqu'il meurt. C'est la même rhétorique qui est communiste contre moi. Donc oui, Donald Trump, c'est intéressant parce que, bon, on sera sans doute amené à parler de l'Autriche, de la France, etc. Et moi, je constate que dans sa façon de faire de la politique, dans son discours, dans les nominations qu'il a faites, je ne vois pas fondamentalement pour le moment de pasteurisation du discours ou des positions, même s'il a eu quelques mots courtois, mais là, ça se comprend très bien lorsqu'il a été élu à l'égard du président actuel. Bon, mais ça, c'est une question de savoir-vivre élémentaire. Mais sinon, sur le fond des positions, pour l'instant, même s'il faut rester prudent, hein, car on sait très bien que la politique et surtout la démocratie n'en engendrent souvent que des désillusions. Mais enfin, jusqu'à présent, il me paraît, on ne peut pas dire que pour l'instant, il a vraiment trahi ses engagements ou ses positions. Il est vrai qu'il n'est pas encore en fonction. Mais en tous les cas, dans la tonalité du discours, par exemple, il a nommé des gens très hostiles à l'avortement, très conservateurs sur le plan sécuritaire et autres, plutôt l'aile droite quand même du Parti républicain dans l'ensemble. Donc, il me semble que c'est plutôt quand même des choses qui, actuellement, vont dans le bon sens. Bon, et d'ailleurs, il n'est que de voir la façon dont il est traité par la grande presse internationale. Mais il faut quand même préciser une chose qui n'est pas quand même totalement anecdotique, c'est qu'on dit que si le scrutin avait été celui qu'on connaît en France ou en Autriche, ce n'est pas Donald Trump qui eût été élu, mais son adversaire, sa concurrente Hillary Clinton, parce que le système américain tient compte du système des grands électeurs et des États, notamment pour ne pas trop avantager les grandes villes surpeuplées par rapport à des régions plus rurales. Et je crois d'ailleurs que c'est un système qui est assez sain, mais cela par exemple rend plus difficile l'accession aux responsabilités, et notamment à la présidence de la République, de mouvements populistes en Europe, où on a un système, un homme, une voix, quoi, qui n'est pas du tout pondéré. Et ça, je crois que c'est quand même un élément qui est important lorsque, par exemple, on fait des comparaisons entre ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui pourrait se passer dans tel pays d'Europe. Ça, je crois que c'est quand même une dimension dont il faut tenir compte, parce que il semble, bon, même si c'est discuté, puisque il y a encore des recomptages, bon, les résultats du Michigan n'ont pas été officiellement encore, vu l'écart très faible entre les candidats, n'ont pas été encore officialisés. Mais enfin, il semble, d'après ce qu'on dit, qu'il y aura environ 2 millions de suffrages d'avance pour Hillary Clinton, ce qui s'explique aisément parce que là où elle a gagné, elle a souvent gagné très largement, notamment en Californie et dans l'état de New York ou autre, où évidemment on a là des populations extrêmement importantes, extrêmement nombreuses, bon, et où les minorités d'ailleurs ethniques et sexuelles jouent un rôle important sur le plan électoral. Alors donc je pense que c'est quand même assez intéressant, que ce soit donc les positions de Donald Trump par rapport à la Russie, par rapport à Poutine, où là il y a quand même un rééquilibrage, par rapport à Bachar el-Assad, évidemment, en Syrie, et plus généralement, dirions-nous, dans sa volonté, semble-t-il, de ne pas faire de ce que Hubert Védrine appelait l'hyperpuissance à propos des États-Unis, le gendarme du monde. Voilà. Il semble que, sans forcément revenir à des positions strictement isolationnistes, ce serait excessif de dire cela, en tout cas, il semble qu'il veuille entretenir, autant que faire se peut, les relations les meilleures avec l'ensemble des États du monde, et cela me paraît plutôt de bon aloi. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'attendre, vous parliez tout à l'heure des blocages éventuels de la Cour suprême ou d'autres tribunaux d'ailleurs, est-ce qu'on peut penser qu'il puisse y avoir un mur de l'argent anti-Trump ? Parce qu'il a pris il a eu des paroles extrêmement dures pour Wall Street, qui sont d'ailleurs tout à fait justifiées, pas le cas, c'est pas le problème. Est-ce que le mur d'argent, il peut se, comme le Front populaire, se briser sur le mur de l'argent ? Bah, on sait par exemple que Wall Street, on n'est pas caché, d'ailleurs les financiers de Wall Street ont soutenu massivement Hillary Clinton, et qu'il ne fait pas de doute que effectivement le monde de la finance aux États-Unis a soutenu son adversaire de manière massive, et non seulement l'a soutenu mais a diabolisé Trump, et d'ailleurs même la presse en France, en Europe, qui est quand même souvent tenue près des banquiers, des financiers, par exemple Libération, c'est Rothschild, etc. Bon, eh bien il est évident qu'on voyait très bien qu'il y avait une diabolisation, une démonisation de Trump qui était tout à fait impressionnante. Bon, et donc, il est certain que c'est un obstacle considérable. Et là, face à ça, c'est très difficile, parce que soit on est amené à reculer, voire parfois à se renier, en tout cas faire des concessions, jusqu'où aller, ou alors, évidemment, on peut... Bah, d'ailleurs, je crois que c'est ce que craignait Jean-Marie Le Pen dans un des tweets qu'il avait fait à propos de Donald Trump, qu'il espérait qu'il ne serait pas assassiné. Hein. Ce sont des choses qui arrivent, tant aux États-Unis que dans d'autres pays du monde, que les chefs d'État puissent être assassinés s'ils ne vont pas dans le sens souhaité par un certain nombre de groupes de pression puissants et nocifs. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'anecdote, mais c'est une anecdote qui est quand même significative, du Boeing Air Force One, c'est-à-dire l'avion personnel du président de la République, de la présidence de la République américaine, où, comment s'appelle-t-il, Trump, a trouvé l'addition un peu salée et menace de ne pas reconduire Boeing. Est-ce que c'est pour faire parler de lui ? Est-ce qu'il veut vraiment, enfin, en tant que comme d'affaires, remettre les choses un peu à plat. Je crois qu'il a déjà dit qu'il ne prendrait aucun salaire comme président des États-Unis. Évidemment, sa fortune le met à l'abri. Mais enfin, je crois que c'est quand même quelque chose qui est assez sain. Et c'est quelqu'un qui a l'habitude, finalement, de diriger des milliers d'hommes et de femmes à travers les emplois qu'il a donné un peu partout aux États-Unis. Et donc, je pense que oui, c'est un homme qui, d'ailleurs, on le voyait dans son discours lorsqu'il a été élu, c'était un discours de chef d'entreprise. C'était qui considérait que, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'écrire dans Rivarol que s'il y a beaucoup de reproches justifiés à faire au système américain, au mode de vie américain, qui bien souvent, notamment depuis la Seconde Guerre mondiale, a déversé en Europe son matérialisme, le tout publicitaire, le règne de l'argent, etc. Donc des choses tout à fait, non seulement contestables, mais nocives. Mais il y a quand même certains éléments positifs, et notamment le fait que ça n'est pas, contrairement souvent, hélas, à ce qu'est devenu la France aujourd'hui, un peuple d'assistés. Et que, dans son discours, Trump disait, à juste titre, que chaque personne puisse donner le maximum d'elle-même pour un projet collectif. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est très important dans la culture américaine. Et ça, je pense que ça n'est pas quelque chose qui est mauvais. C'est-à-dire que finalement, souvent en France, il ne faut pas généraliser, bien sûr. Hein, il s'agit pas de... Mais il y a quand même une tendance chez un certain nombre de gens, et les lois favorisent cela, la mentalité favorise cela, de favoriser les tirs au flanc et de favoriser l'envie. C'est-à-dire que, je crois que c'était Le Pen, une heure de vérité, qui disait ne souhaitons pas des bourgeois en chemise, parce que lorsque les bourgeois sont en chemise, le peuple est tout nu. Et malheureusement, depuis la Révolution française, en France, bien souvent, on a tendance à détester celui qui a réussi, même s'il a réussi de manière tout à fait, non seulement légale, mais morale, par son talent, par son génie, par la chance aussi qu'il a pu avoir dans la vie, c'est vrai, alors que bon, il vaut mieux, me semble-t-il, avoir des Français qui réussissent, plutôt que nos monuments, nos châteaux, nos terroirs soient rachetés par le Qatar ou par d'autres. Hein. Ça me paraît de bon sens, quoi. Et bon, et qu'un Français qui réussisse, il s'y permet de donner de l'emploi à d'autres, c'est quelque chose qui est très positif pour l'économie et même pour l'ensemble des familles. Donc, y a là quelque chose dans le système français qui me paraît extrêmement déplaisant, quoi, voilà. Et donc, qui ne favorise pas la responsabilité, l'initiative, ne serait-ce que par une fiscalité également trop élevée, qui est confiscatoire. Bon, et donc, de ce point de vue-là, oui, je pense que Trump, ce sont des choses qui, là, pour le coup, vont dans le bon sens, quoi. Quand il passe un coup de fil ostensiblement à Taïwan, est-ce que là aussi il se pose en négociateur avec les Chinois pour leur dire attention, vous n'êtes pas le seul, donc faire monter un peu les prix, quoi, ou je sais pas. Oui, mais je pense quand même qu'il s'inscrit comme un champion comme du monde libre, de la liberté, parce que ce qu'il a dit pour Taïwan par rapport à la Chine communiste, qui reste communiste quand même, bien sûr, avec le Hoga, il y a les camps de concentration, les camps de travail, ça existe, même si on n'en parle jamais puisqu'ils sont de gauche, régime de gauche, pareil par rapport à Fidel Castro, il s'inscrit quand même, je dirais, de ce point de vue-là, dans la tradition, je dirais, un peu reaganienne de l'anticommunisme américain. Et ça, j'avoue que c'est une tradition que j'approuve en tout point. Parce que, comme vous le disiez très justement, le poison communiste, il demeure. Hein. Il demeure dans les manuels scolaires, il demeure dans les médias audiovisuels, il demeure dans l'esprit public, parce qu'il n'y a pas eu de Nuremberg du communisme, il n'y a même pas eu, je dirais, un bilan moral et politique du communisme, et que la chute du mur de Berlin et la dislocation de l'URSS ne se sont pas accompagnés ni suivis de procès ni des communistes ni du communisme. Bon, il n'y a pas eu même de la haie du, voilà, parce que d'ailleurs bien souvent ils se sont transformés, ces dirigeants communistes, ils sont restés soit au pouvoir directement, soit dans le monde des affaires, et en général ils ont tout à fait prospéré, alors même que beaucoup étaient quand même responsables de crimes incontestables et nombreux, et de l'échec total, politique, économique, morale de leur système. Donc, de ce point de vue-là, je pense que la gauche reste fondamentalement détestable, et le communisme en particulier, et il n'y a aucune complaisance à voir à son égard. Parce que c'est quand même, comme Solzhenitsyn l'a bien montré, c'est non seulement la privation des libertés, mais c'est quand même le règne du mensonge. Et de ce point de vue-là, en France, de plus en plus, on a des lois qui sont d'essence communiste, on en parlera, que ce soit sur la question de l'avortement, le délit d'entrave numérique, on y viendra sans doute, ou d'autres questions, bien sûr, les lois Pleven, Guesso, et bien d'autres choses encore, qui corsettent les libertés publiques. Alors, quelques questions qui viennent d'arriver. Avez-vous l'intention de faire toute l'émission, tout ça? Ben non, c'était pas l'intention, et nous le prouvons. Alors, on me parle des... Ah oui, les légendes des musées, notamment d'Emile Fou. Les légendes dont vous parlez sont-elles rédigées en français? Et sinon, comment les avez-vous comprises? Elles sont rédigées en trois langues, d'Emile Fou. En vietnamien, que je peux lire, puisque vous savez que c'est le seul pays du coin qui a l'alphabet latin, mais que je ne peux pas comprendre. Je parle très mal le vietnamien par trois mots, comme jambong, betong, tsi mang, et qu'est-ce qu'il y a encore? Oto, kara, bia. Voilà, ça je comprends, mais pour le reste, non. Sinon, c'est en anglais et en français. En français, c'est quelquefois assez croquignolé, parce que je ne sais pas quel est le bout d'arrêt de service qui nous a traduit ça, mais quand même, on comprend. Voilà. Une annonce encore à faire. Alors, le lundi 12 décembre à 19h30, un dîner-débat aura lieu. Thème, la fin de la Russie impériale autour des mémoires de l'aumônier général Chavelski. La conférence sera donnée par M. Donzo au 9 rue du Vieux-Colombier dans le 6e métro Saint-Sulpice. Oui, alors voilà, nous avons parlé de Donald Trump, mais vous avez évoqué plusieurs autres actualités, de politique étrangère, et notamment ce qui, pour moi, est une déception. Une déception, c'est l'Autriche, oui, avec la défaite du candidat populiste Höfer. Alors, il y a plusieurs choses à en dire. D'abord, la première, j'ai été amené à constater, s'agissant de consultations électorales, que lorsque celle-ci était invalidée pour telle ou telle raison, hein, justifiée ou non, en général, les électeurs avaient tendance à confirmer et amplifier le choix qu'ils avaient fait la première fois. Alors, on dira, est-ce qu'ils avaient vraiment fait le choix de l'écologiste la première fois, du fait qu'il y avait des suffrages discutés et tout à fait contestables, notamment dans le vote par correspondance, mais pas seulement, on n'en sait rien avec certitude, mais moi j'avais constaté, notamment dans des élections partielles qui avaient concerné le Front National à la fin des années 90, notamment à Toulon, que Sandrine Le Chevalier, qui avait été battue d'extrême justesse à quelques bulletins près dans un premier temps, le Conseil constitutionnel avait invalidé cette élection, deuxième élection, et elle avait été battue de manière beaucoup plus nette et incontestable la deuxième fois. Et donc j'ai souvent constaté qu'en général les électeurs confirmaient, corroborer et amplifier en général le choix. Donc ça, je pense que c'est le premier élément d'appréciation. Ce n'est pas l'élément le plus essentiel. Je pense qu'il y a eu une volonté de faire peur aux Autrichiens. On a évoqué abondamment ce qu'on a souvent fait en France, la Seconde Guerre mondiale. On a mis en évidence auprès des télévisions publiques, et notamment dans les derniers jours et dernières semaines du scrutin, des nonagénaires rescapés, c'est le mot d'usage, des camps de concentration, et il y a eu une volonté effectivement d'effrayer la population, et je pense que c'est ce qui explique l'assez nette défaite, même si c'est en gros 46-54, hein, mais l'assez nette défaite arithmétique du candidat du FPO, ce qu'on avait vécu d'ailleurs, il faut bien l'avouer, lors de ce que l'on pouvait appeler la quinzaine de la haine, lors de la quinzaine, donc entre les deux tours de l'élection présidentielle du printemps 2002, où tout ce qui avait trait de près ou de loin à la Seconde Guerre mondiale avait été exploité, non seulement dans les manifestations de rue, mais également abondamment à la télévision, à la radio et évidemment à l'école. Et donc, c'est un élément très important, parce oui, que il sert effectivement à détruire les défenses immunitaires des gens. Ça, je l'ai souvent expliqué, j'ai souvent écrit dans Rivarol, et quand parfois des gens nous reprochent de revenir souvent sur ces questions-là, je leur dis ce n'est pas nous qui revenons, ce sont les télévisions, ce sont les radios, etc. Alors, et ça a des effets très évidents. Vous avez raison, Jérôme, je vous coupe, parce que là, il y a la pause, pardon. Et puis on reprendra après. Avec grand plaisir.